Damien, tu fais chier. Tu fais chier, Damien. Pas celui-là, mais j'en ai eu. C'est très bon. C'est bon, hein? Oui, oh non, c'est très bon. Je lève la bouteille pour la... Le meilleur, c'est juste quand ta bouteille vient tout juste d'être ouverte. Hein. Oui. C'est ça qu'il faut capter. Pop, pop, pop, au début. Merci. Oh, merci. Merci. Je suis content, c'est comme les verres que j'ai à la maison pour ce genre-là. Oui. Ce genre bon. Pas des verres, je vais voir les autres verres pour le bain. Ouais. Parce qu'en France, on ne jamais ce genre de verre. On ne sait pas. C'est important, hein, le verre pour le bain. Ouais. Et là, c'est tout bas. Je vais voir des nouveaux verres pour la dégustation que j'ai acheté cette année. Mm-hmm. Tu seras marié pour l'année.